Anatomie mécanique, il cherche un chien le coéquipe, est-ce que ça pique, nique. Ça se bécote, ça s'effite, ça se fricote, ça s'effite sur le banc, les amants, les ardes. Sur un air lancinant, à défaut d'une trace ou d'un coup de grâce, la graisse s'efface sur le rythme de ses corps enlacés. Là, je suis là, je sais pas ce qui m'effraie, de ces phrases et ces phrases qui font que me blaser. Galérie in the brain, je reste blême, mais galant, plein de lattes, c'est sorti au restaurant. C'est peut-être mieux, prendre le temps rien qu'en marchant. Dis-moi, c'est ça d'être grand. Dis-moi c'est ça d'être grand. Traduis-moi l'appli et please. Reste en appui quand je m'épuise. La petite poussette, c'est poussette et c'est moustille. Esquisse un sourire et s'enfuit. You worship, and still oppressed, you got stressed to wear them homeless. Without a blessing and a little bit of thinking, you got it burning, putting marriage to your wedding. You got the fingers for a ring, the bells are jingling on the hills that you're wearing. Nah, voice from my voice melting through your veins. We ain't just a body, get your rest and get a brain. Jump your pair, your vision's busy. Won't be the version of the last, to wanna fast it easy. Time's running, centuries flying. History is written for, sucking for, gotten nine crying. Calling out to the star generation. Make it happen, unleash your dragon, yeah? Yeah. Pamplemousse live en direct sur Radio Duo, la Charbonnerie Production représente. Quel public! comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait hier soir. Je sais pas comment j'ai fait. La mère m'a accueilli. Je me suis laissé porter. J'ai nagé. Nagé. Nagé longtemps. Parce que j'avais plein de force. Porté par la mer. Les yeux vers le ciel. Les yeux vers le ciel, je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu l'as vu. C'était la lune. La lune. Let's go, Abracadabra! Top star,

Of a yogurt, it doesn't matter as long as it's real now. I wanna dance.

All right. Eh ben, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. On a fait l'expérimentation sur le dernier là.